marche, en marche, pour grimper les étapes, les étages, les marches. On rentre dans le rap, crée l'orage, c'est Pilar ou I, Fab dans les parages. Ça fait mal à l'entourage, ça fait mal, on libère notre âge. Personne nous encourage dans un système où l'on dérange. Dans nos tours, tour à tour, tourne à rage. Cassons de volaille dans le ciblage, on finira tous dans le cirage. On passera quand même les mailles du grillage, griller les tables, nous trier, nous plier à ces lois. On continuera quand même à crier, foutre la merde pour se faire prier. Marcher droit entre eux et moi, ça ne passera. J'ai des devoirs, mais d'abord des droits. Faire entrer de la diamant, je compte sur toi, mais pour ça faut marcher droit. Mais d'abord des droits, dans ce monde on se nourrit de haine et de rage. À notre âge c'est dommage d'user des armes, des lames qui créent des larmes, des drames. À la barre, le regard de nos mères fait mal. Tu connais le règlement, Roya. Marche droit, tout ça finit mal. Tout ça finit mal, Roya. Marche droit, marche droit, tout ça finit mal. Tout ça finit mal, Roya. Marche droit, on marche, on grabe ou on zigzag. Entre ci et ça, notre vie est sale. Garde la pêche si t'es au cachot. Dédicace à Fuji, Nebil et Darcho. Ici, on nous enferme car on a le sang chaud. Car à toi, t'es pas au marché, gars. Ils veulent nous faire marcher droit. Tellement y'a les gros ici, on se mange les doigts. On se refroidit car la vengeance est un plat qui se mange froid. Et le froid nous envahit le corps et le cœur. On se recroqueville dans ma ville. L'horizon est aussi loin que l'avenir. On marche sans rien voir venir. Dans tout ce malheur, Fab marche pour remettre les pendules à l'heure. Dans ce monde, on se nourrit de haine et de rage. À notre âge, c'est dommage d'user des armes, des lames qui créent des larmes, des drames. À la barre, le regard de nos mères fait mal. Tu connais le règlement, Roya. Marche droit, tout ça finit mal. Tout ça finit mal, Roya. Marche droit, marche droit, tout ça finit mal. Tout ça finit mal, Roya. Marche droit. 32 000 stores bas, on paiera sans tosma. Si ce n'est un point joint, Daya, bien gras pour fuir ce monde, bien crade. Inen Ken, j'tag ma haine sur ton visage. Pour mon tchéka, des plantes haine au métissage. J'rappe tout âge, libère ma rage. Tic et Brad Mike pour grimper les étapes. Et remarque, ça marche, on démarque. Malgré ces cas de remarche, nique sa mère les démarches. Le rap les prêts en otage. Dans la tête, les keufs circulent. Plus de pipe qu'on investit dans des obus, c'est dommage. On armait bien dans le cul. Fils de pute, me ramène pas. Les bestiaux, t'en paieras les dommages. T'alpérage, postule. La concurrence est minuscule, la tourne au ridicule. Nos ennemis toujours dans le ridicule. Nourris de haine et de rage, ça m'a permis de remonter le rivage. Rage, de rivage. Dans ce monde, on se nourrit de haine et de rage. À notre âge, c'est dommage d'user des armes, des lames qui créent des larmes, des drames. À la barre, le regard de nos mères fait mal. Tu connais le règlement, Roya. Marche droit, tout ça finit mal. Tout ça finit mal, Roya. Marche droit, marche droit, tout ça finit mal. Tout ça finit mal, Roya. Marche droit.